me on R.I.G. R.I.G. Oh, l'anarchiste, c'est vachement plus ordonné que nous. In R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Dites donc que les amis, on commence en avance grâce à Marc. Alors merci Marc. D'abord, excellente programmation. Je l'ai écouté de bout en bout et c'était vraiment très très très agréable. Et puis, on va finir en avance alors pour Eric tout à l'heure. Peut-être. Bon, j'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 490. Et ce soir, nous allons parler d'une dure jour-nuit. Oui, A Hard Day's Night, l'album des Beatles, dans cette année qui était 1964. Il paraît que des légendes seraient nées en 1964. Bon, alors après ça, je dis ça, je ne sais pas. On écoutera A Hard Day's Night, on écoutera I Should Have Known Better, on écoutera Tell Me Why, If I Fell, And I Love Her, bien entendu. Et on terminera avec Can't Buy Me Love sur cet album-là. Mais il y aura également du McCartney, du Lennon, du Harrison et du Ringo Starr. Pour McCartney, ce sera Too Many People sur l'album Ram en 1971. Lennon nous chantera Look At Me en 1970 sur l'album Plastic Oh No Band. Quant à George Harrison, ce sera Run of the Mill, la démo et ensuite la version studio. Ah oui, on ne se refuse rien dans la saga des Fab Four sur l'album All Things Must Pass. Quant à Ringo Starr, ce sera Snookaroo avec son pote Elton John. Elton John a été quand même pote avec Ringo Starr, avec George Harrison et avec John Lennon. A-t-il fait quelque chose avec Paul McCartney? Faudrait vérifier. Je ne suis pas trop sûr. En tout cas, on est ensemble jusqu'à 22h dans la joie et la bonne humeur. J'espère que tout va bien se passer. Retrouvez-nous sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Je pense que nous allons commencer l'émission, n'est-ce pas? Oui, tout le monde est prêt? Ok. Premier titre, A Hard Day's Night. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money. You know I feel okay. to you. I find the things that you do will make me feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright. La chanson du film A Hard Day's Night, le premier film des Beatles qui racontait une édition légèrement romancée, mais quand même pas mal de la vie des Beatles à cette époque, en 1964, c'est-à-dire des concerts, des filles qui hurlent, des filles qui courent après les Beatles, des Beatles qui sont tout le temps en train de faire les andouilles et de chanter des chansons parce que les Beatles, c'est ça. Et A Hard Day's Night vient d'un mot de Ringo qui n'en était pas avare lorsqu'il est sorti d'une session d'enregistrement. Il a commencé à vouloir dire « Oh, quel dur jour !» et puis il voulait dire « journée ». Et il s'est rendu compte que, en fait, c'était la nuit. Donc, il a abrégé le jour en disant « nuit », l'équivalent de « quel dur jour-nuit ». Voilà, c'est ça. people, trop de gens. Et c'est vrai ce que dit sur Facebook Pascal. Il dit que John Lennon avait pris cette chanson pour lui, enfin contre lui, puisqu'il donne des pics dans la chanson Paul McCartney. Et d'ailleurs, il avait tellement pris contre lui cette chanson et puis quelques autres apparemment, qu'il avait fait une parodie de l'album Ram en glissant une image dans l'album Imagine, qui est sorti forcément après. Sur l'album Ram, Paul McCartney tient un bélier dans les mains par les cornes. Et dans l'album Imagine, John Lennon a inséré une photo sur laquelle il tient les oreilles d'un cochon. Oh là là, ça allait loin quand même. Le voici d'ailleurs, John Lennon, sur RIG, avec Look At Me, la version Ultimate Makes, c'est-à-dire la version sortie en 2020. Ok, yes, thank you. Look at me. Who am I supposed to be? Who am I supposed to be? Supposed to be, what am I supposed to be? Look at me. Oh, my love. Oh, my love. Here I am. Will you leap sides. La version démo de cette chanson Run of the Mill que l'on retrouve sur l'album Early Takes sorti en 2012. Après, il faut écouter la version originale, celle de l'album All Things Must Pass. La voici. Make the news. Well, co-star avec un petit peu d'aide de son pote Elton John en 1974 sur l'album Goodnight Vienna. Nous avons écouté les Beatles avec A Hard Day's Night, puis il y a eu Paul McCartney, Too Many People. Lennon a chanté Look At Me. Quant à Harrison, c'était Run Off The Mill. Les deux versions, la version démo et la version studio. Quant à Ringo Starr, il vient d'interpréter à l'instant, si vous avez suivi, Snookeroo. On mélange le tout. Avant de réécouter les Beatles, il faut parler de Lovely Rita, celle qui vous permet de tout savoir sur les Beatles. Qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur BeatlesMagazineUK.com. 24 heures sur 24, 7 jours, même 8 jours, 8 days a week. Should Have Done Better est la première chanson du film après le générique et la deuxième chanson de l'album. Elle est jouée durant une scène où les Beatles et le grand-père, entre guillemets, de Paul, que joue Wilfred Bramble, se trouvent dans un train exilé dans le wagon postal. Ils commencent à jouer aux cartes et puis après quelques séquences, ils réapparaissent avec guitare, harmonica et batterie, comme ça, magiquement. De nombreuses séquences du film ont été effectivement tournées dans des trains, mais celle-ci fut filmée dans les studios de Twickenham. I Should Have Known Better est une chanson étonnamment optimiste pour un titre composé par John. Il l'aime, elle l'aime, et tout va bien. C'est vrai que c'est rare chez John. 1, 2, 3, 4! Yeah. disco. Back, back, back. Avec les deux chansons des Beatles que nous venons d'écouter, nous sommes restés dans l'année 1963. La première avec le premier titre du premier album des Beatles. L'album s'appelle Please Please Me with Love Me Do and 12 Other Songs. On va l'appeler Please Please Me, ce sera plus facile. Avec ce titre, le fameux, le plus fameux peut-être compte à rebours de la chanson pop ou rock des années 60 avec 1, 2, 3, 4 et puis I Saw Her Standing There. Et puis à l'instant, She's Got the Devil in Her Heart. Le titre c'est juste Devil in Her Heart. Extrait de l'album Please Please Me, mais non, extrait de l'album With the Beatles, j'allais justement dire, mais la même année, en 1963. Vous avez compris? Prenez des notes. Quelquefois, je me plante dans ce que je veux dire, mais vous me comprenez, vous êtes fan quand même. Hein, hein. Allez, donnez-moi de l'amour. Give me love en 1973, c'est George Harrison sur RG. Cope with this heavy load. Rita, dont on a parlé il y a quelques instants, écoute la saga des Fab Four, même si elle ne comprend pas le français, je crois. Mais elle l'a dit, par exemple, Give Me Love, Masterpiece. You're right, lovely Rita. Et en voici une autre masterpiece. Ben on the Run, la même année. Paul McCartney sur l'album Ben on the Run. Montez le son. C'est la saga des Fab Four. These four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again like you, Mama. I'm

Autogravure est le cinquième album studio de Ringo Starr, ex-batteur des Beatles, je ne vous l'apprends pas. Et comme à son habitude, Ringo invite une brochette d'amis de renom qui viennent collaborer. John Lennon, Paul McCartney et sa femme Linda, George Harrison. Ce dernier toutefois ne participe pas à l'enregistrement de la chanson qu'il a écrite pour cet album, c'est « I'll Still Love You ». Très très bonne chanson. On y retrouve aussi Eric Clapton, Peter Frampton et Dr. John dans le but de recréer la formule magique du casting de Starr de l'album Ringo en 1973. À noter que chacun des ex-Beatles a composé une chanson de cet album, outre celle déjà nommée de George Harrison. John Lennon a contribué avec la pièce Cooking in the Kitchen of Love, alors que McCartney a écrit Pure Gold. Eric Clapton a aussi composé pour l'album This Be Called the Song. Bien que soutenu par des singles, A Dozer Rock and Roll et Hey Baby, l'album peine à entrer dans les charts américains et ne se classe pas du tout au Royaume-Uni. C'est le début pour Ringo d'une période difficile. Cet échec commercial est suivi de nombreux autres dans les années qui suivent, c'est vrai. Il passe à partir de 75 jusqu'à son retour pour moi en 81 de très très mauvais temps. Give me some truth. No short head, yellow belly, on the tricky John Lennon, on n'hésite pas, on double. Termine en disant who is that, who is that, who is that, et si on avait attendu jusqu'au dernier moment, si le logiciel ne m'avait pas lâché à ce moment-là, il aurait dit and why are they doing those strange things? Je le sais, parce que j'ai eu le vinyle pendant un temps, et je l'ai entendu jusqu'au bout. On revient aux Beatles, encore avec du John Lennon, j'en connais un qui n'est pas ravi, mais ça va changer après, ne t'inquiète pas. De toute façon, John Lennon était très très bon. En 1966, sur... Oups là, j'ai donné un coup dans le micro sans le faire exprès. En 1966, sur l'album Revolver, il ne fait que dormir. I'm only sleeping sur RIG. See you. 90.7, la radio des Beatles. C'était en live et ça allait rester pendant longtemps au niveau, je veux dire, un pirate, si vous voulez. On l'avait, nous, les fans, parce que il avait certainement jugé que après avoir sorti Dear Friend sur l'album Wildlife, il pouvait se passer de sortir Best Friend un an après, en 1972, qu'il avait chanté en concert. Il l'avait gardé jusqu'au moment où il a décidé sur le Archive Collection de quoi donc. Il faut que je reprenne mes notes, oui. De Red Rose Speedway en 1973, il a rajouté cette chanson-là qui nous manquait et qui est donc, par là même, officielle maintenant. Nous en sommes à la cover, et puisque nous en sommes à la cover, je vais vous faire un petit truc sympathique. qui chante. Alors, peut-être que le gars, vous ne saurez pas, mais la fille, elle va vous rappeler un groupe très très connu, une très très belle femme. Il chante And Your Bird Can Sing, puisque c'est la cover, c'est une chanson qu'ont chanté les Beatles, que ce soit ensemble ou séparément. Et cet extrait de l'album Completely Under the Covers, sorti en 2015. Très très belle voix, très très belle femme. Sur RG. Tell me that you got everything you want, and your bird can sing, but you don't get me. You don't get me. You say you've seen seven wonders, and your bird is green, but you can't see me. You can't see. Je vous ai un petit peu collé, même si Rook a mis le bon nom, le nom de l'album, etc., puisque cet extrait de l'album Completely Undercover, Under the Covers de 2015, c'est Susanna Hoff. Susanna Hoff, elle a fait partie du groupe Les Bangles. Just let me hear some of that rock and roll music. Kicks against modern jazz, unless they try to play it too darn fast and change the beauty of the melody until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Took my loved one over across the tracks so she could hear my man a wailing sax. I must admit they have a rocking band. Man, they was blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. South, they gave a jubilee. I tell you, folks, they had a jamboree. And drinking beer from a wooden cup. The folks are dancing, got all shook up. They started playing that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old way you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, say.

Ça se termine comme ça. Ringo Starr, à l'instant. C'est le 9e album de Ringo Starr, paru en 1983, Old Wave. Je vous dis que pour moi, Ringo Starr reprend les brides à partir de 81. Malheureusement, il faudra attendre encore un peu, parce que même si 81, c'est un bon album, mis à part deux chansons, cet album-ci aussi contient des perles, des choses que j'aime beaucoup, des bonnes chansons, comme celle qu'on vient d'entendre, par exemple, She's a Bad Mover. Il y a également I Keep Forgetting, qui est très bien, Picture Show Life. Et surtout As Far As We Can Go, qui vaut vraiment le coup d'oreille, mais c'est un échec critique qui pousse Ringo à arrêter d'enregistrer en studio jusqu'en 1992, et l'album Time Takes Time, qui est un album de renaissance, on va dire, de Ringo Starr, lequel avait commencé à revenir quand même avec son All Star Band depuis 1989. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de Ringo. Pour une fois que j'en parle, c'est bien comme ça. On revient à l'album de la semaine avec la chanson... La très très belle chanson de Paul McCartney sur l'album A Hard Day's Night. C'est une chanson dont l'enregistrement a démarré en février 1964. Il s'agit du premier morceau entièrement acoustique des Beatles. Ringo y joue des bongos. Et dans le film, ils sont censés l'enregistrer pour un show télévisé. C'est la chanson And I Love Her que voici maintenant sur RIG. Animateur radio, un homme et les auditeurs. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Well, I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. You better keep your head, little girl, I won't know where I am. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man. That's the end, little girl. Well, you know that I'm a wicked guy, and jealous mind. And I can't spend my whole life trying just to make you toe the line. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man, that's the end, little girl. Run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. I catch you with another man. That's the end, little girl. I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. You better keep your head, little girl, or you won't know where I am. You better run for your life if you can, little girl. Your head in the sand, little girl. Catch you with another man. That's the end, little girl. Run for Your Life sur l'album Rubber Soul en 1965. J'ai envie de vous refaire le même coup que tout à l'heure avec George Harrison, où je vous ai proposé une version démo et une version studio de la chanson. Voici, toujours extrait d'ailleurs, Early Takes volume 1 en 2012, Woman Don't You Cry For Me, une version de travail on va dire. Et ensuite il y aura la version de l'album 33 and One Third, sorti en 1976. Is it coming through? One and a two and a three and a four and a... Attachment only hurts and locks you in tight. Better catch up to yourself before the end comes along. There's only one thing I wanna see. That's the Lord got to try to keep him inside. Better take care of yourself, baby. Come on, won't you let me be?

money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Now buy me C'était extrait de l'album de la semaine, Hard Day's Night, en 1964. Et maintenant, John Lennon nous plombe l'ambiance, mais avec probablement l'une de ses plus belles chansons, l'une de ses plus tristes. Nobody loves you when you're down and out. Personne ne t'aime quand t'as vraiment le moral à zéro, quoi, le moral en berne. C'était en 1974 sur l'album Walls and Bridges. 90.7, la radio des Beatles. Mommy, Daddy, pas. Hein. Paul McCartney se lève le matin et puis décide, avant de prendre son petit déjeuner, de faire un truc et puis il fait ça en 30 secondes. C'est sympa, c'est mignon comme tout. Oui, c'est une jam. Voilà, voilà comment on peut dire. Et puis je vais mettre tout le monde d'accord avec la chanson suivante de George Harrison sur un album qui s'appelle George Harrison et qui est sorti en 1979. La chanson, c'est Your Love is Forever. C'est maintenant sur RIG. Continuera avec de l'amour puisque ce sera Johnny de A à Z et Eric. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Make it.

I had a peace dream. You know how real dreams can be. The world was a better place for you. Fighting for no more hunger, no more pain. I hope I have that dream again. Can you imagine all of this coming true? It's really up to all. Like John Lennon said in Amsterdam from his bed, one day the world will wake up to see the reality. Last night I had a peace dream. You know how real dreams can be. The world was a better place. Try to imagine if we give peace a chance, all the world could be living in harmony. One day our dream could be reality, reality. Last night I had a peace. Ça passe trop vite, 2 heures. Je vous laisse en très bonne compagnie. Je sais que ça va être très bien puisque c'est Eric et Johnny de A à Z. À très très bientôt. C'est en live. À très très bientôt. Et couvrez-vous bien. Il fait froid sur la France. Mais Eric va allumer le feu. Oh, c'était trop facile. Trop facile.